Chapitre 73 Le bon caractère. Allah Ta'ala dit: et tu es certes d'une moralité éminente. Sourate 68, verset 4. Qui domine leur rage et pardonne à autrui. Sourate 3, verset 134. 621. Selon Anas, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait le meilleur des caractères. Al-Bukhari et Muslim. 622. Anas, radiallahu anhu, a dit: je n'ai jamais touché de brocart ou de soie plus douce que la paume du messager d'Allah, sallallahu alayhi wasallam, ni senti d'odeur plus agréable que la sienne. Je l'ai servi durant 10 années, sans qu'il me fasse le moindre reproche, littéralement, il ne m'a jamais dit « fi » ou me dise « pourquoi as-tu fait ceci ?» ou bien encore « pourquoi n'as-tu pas fait cela ?» Al-Bukhari et Muslim. 623. As-Sa'b ibn Jathama, radiallahu anhu, a dit: j'ai offert au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, un âne sauvage, mais il le refusa. Lisant sur mon visage la tristesse, il dit: nous ne l'avons refusé que parce que nous sommes en ihram, état de sacralisation dans lequel se trouve le pèlerin, lui interdisant notamment la chasse. Al-Bukhari et Muslim. 624. An-Nawwas ibn Sam'an, radiallahu anhu, a dit: j'ai interrogé le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, sur le vice et la vertu. Il m'a répondu: la vertu, c'est le bon caractère, et le vice, c'est ce qui te donne mauvaise conscience et que tu n'aimerais pas que les gens découvrent. Muslim. 625. Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhuma, a dit: le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, n'était ni indécent ni obscène. Il disait: ceux qui ont le meilleur caractère comptent parmi les meilleurs d'entre vous. Al-Bukhari et Muslim. 626. D'après Abu Darda, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: le jour de la résurrection, rien ne pèsera plus lourd dans la balance du croyant que le bon caractère. Et Allah déteste l'homme indécent et grossier. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan Sahih. 627. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, fut interrogé sur ce qui fait le plus entrer au paradis. Il répondit: la crainte d'Allah et le bon caractère. Il fut ensuite interrogé sur ce qui fait le plus entrer en enfer et il répondit: la langue, littéralement la bouche, et le sexe. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan Sahih. 628. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les croyants qui ont la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur caractère, et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui ont le meilleur comportement avec leurs femmes. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan Sahih. 629. Aïcha, radiallahu anha, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: par son bon caractère, le croyant atteint le degré de celui qui jeûne le jour et passe ses nuits en prière. Abu Daoud. 630. D'après Abu Umama al-Bahili, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: je garantis une demeure en bas du paradis à celui qui renonce à une dispute, même s'il a raison. Je garantis une demeure au centre du paradis à celui qui renonce au mensonge, même en plaisantant. Et je garantis une demeure dans les plus hauts degrés du paradis à celui qui a un bon caractère. Abu Daoud avec une chaîne isnad authentique. 631. Selon Jabir, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: parmi ceux que j'aime le plus et qui seront les plus proches de moi le jour de la résurrection, Il y a ceux qui ont le meilleur caractère, et parmi ceux que je déteste le plus, et qui seront les plus éloignés de moi le jour de la résurrection, se trouvent les bavards, les vantards et les mutafayhiqoun. Les compagnons dirent, ô messager d'Allah, nous connaissons les bavards et les vantards, mais nous ne savons pas qui sont les mutafayhiqoun. Il dit, ce sont les arrogants. At-Tirmidhi a dit, hadith Hassan. Selon At-Tirmidhi, Abdullah ibn al-Mubarak a expliqué le bon caractère comme étant le fait d'être aimable avec les gens, de leur rendre service et de les préserver de tout mal.